Es-tu seule à te promener dans la forêt de saule? Non, je suis avec mon renardo, Leonardo. Est-il toujours auprès de toi? Oui, c'est mon compagnon. Et pourquoi ne te quitte-t-il jamais? Car il m'aime. T'aime-t-il vraiment? Oui. Tu en es convaincue? Oui. Tu serais pas en train d'exagérer un peu? Non. Tu n'exagères donc jamais? Non, la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, mais ils ont tendance à grossir le trait, forcer celui-ci pour enjoliver leurs histoires. Pas moi. Pas toi. Non. Jamais. Jamais. Et ne crains-tu pas que quelque chose finisse par vous séparer? Non. Pas même la maladie? Ton ami Leonardo ne pourrait-il pas contracter la rage? Et alors, qu'adviendrait-il de vous? Mais pourquoi les renards contractent la rage? Une vaste question. Et que toi qui es un pied léger qui erre dans la forêt de saule, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici? Serais-tu à la recherche de quelque chose? Aurais-tu égaré dans ton innocence quelque chose de précieux? Oui, une bille orange. Magnifique. Mais tu t'en souviens encore? Tu peux donc chérir le souvenir de cette bille et en penser l'avoir toujours dans ta main, dans ta besace, la manipuler, la voir rouler sur la sente, dans la boue, au pied du sol. N'es-tu pas effrayé de voyager ainsi seul dans la forêt? Ne crains-tu pas d'être suivi par quelques créatures peu recommandables? Les hommes sont-ils les seuls à parcourir les bois? Non, il y a aussi les Orlas. Et pourquoi les Orlas s'intéresseraient-ils à un enfant comme toi? Pour l'attaquer par surprise. Et pourquoi s'attaquerait-il à un pauvre enfant égaré? Un enfant perdu dans la forêt? Pour passer le temps. Et toi, comment passes-tu le temps? Jouer avec mon petit renardeau.